Chapitre 5e, le château des abîmes. Ce que le baron appelait sa taupinière était l'un de ces manoirs féodaux que l'on rencontre fréquemment dans la Haute-Savoie. Mais ce qui le distinguait des autres constructions de la même époque, c'était sa situation au bord de cette sombre fissure de rocher qui sert de lit au torrent du Fier. Ce nid d'aigle justifiait bien la dénomination qu'on lui avait donnée dans le pays. On ne le désignait que sous le nom de château des abîmes. Le Fier, encaissant cet endroit entre deux murailles de rochers hauts de plus de 200 pieds, prend sa source dans la vallée de Thône, à la Clusaz, et s'est creusé un lit sur tout son parcours dans la roche vive, coule à des profondeurs souvent vertigineuses, et va se perdre dans le Rhône à Cessey, en contournant la ville d'Annecy et son lac. Le Fier est un torrent grondant, écumant et bondissant en cascade. Pour un oui ou pour un non, il s'élève en une nuit à 10 ou 20 mètres au-dessus de son lit ordinaire. En 1870, la galerie du Fier, suspendue à plus de 50 mètres de hauteur au flanc des rochers, a été emportée par une crue presque instantanée. Lorsqu'on a laissé derrière soi la commune de Sion, on prend une route mal entretenue qui conduit par une pente des plus raides au sommet de l'étroite plateforme sur laquelle est construit l'antique manoir. Une vieille porte cintrée, flanquée de deux tourelles en poivrière, y donne accès. Nous devons ajouter, pour présenter un dessin complet des lieux, qu'une route, ou plutôt un tunnel, passe au-dessous du château, à 100 pieds environ plus bas. Cette route, taillée en mortaise dans la roche, coupe la paroi verticale du rocher à moitié de sa hauteur et semble un balcon jeté au-dessus du Fier rugissant. On se sent saisi d'une indicible terreur quand on traverse cette voie souterraine. Là, jamais ne pénètre le soleil, et le jour y prend des tons verdâtres. Mais aussitôt qu'on la quitte, on est aveuglé par des flots de lumière, et devant les regards se déroule un paysage ravissant, encadré au milieu de prairies vertes comme l'émeraude. Il se faisait déjà tard lorsque M. de Lavernay arriva au château. Un énorme chien du Mont-Saint-Bernard, en entendant les grelots des chevaux, aboya joyeusement comme pour souhaiter la bienvenue au maître. D'autres aboiements retentirent bientôt, ceux d'une meute de bassets qui, eux aussi, voulaient fêter à leur manière le retour du baron. L'équipage rustique s'arrêta devant la porte d'entrée, le vieux gentilhomme sauta à terre et voulut ouvrir la porte, elle était fermée. « Jolie manière d'attendre les gens, » dit-il avec mauvaise humeur, et se mit à agiter la cloche à tour de bras. Peu après, un bruit de pas annonça qu'il avait été entendu, et une vieille servante vint ouvrir. « Corbleu ! » fit M. de Lavernay, « est-ce ainsi qu'on m'attend ?»« Mademoiselle est rentrée dans sa chambre, » répondit la servante, « et vous le savez, elle n'y rentre jamais sans que toutes les portes soient fermées. »« Martin devait me ramener ici ce soir, et dès lors vous auriez dû, mademoiselle est la maîtresse, et je dois obéir, » interrompit la vieille d'un ton rogue. Un juron plus énergique que le premier allait sortir de la bouche du baron, mais il se retint. « Assez de verbiage comme cela, Brigitte, mon souper est-il prêt ?» « Il reste un morceau de bœuf arrangé en salade et des nouilles au fromage, » répondit la servante. Le vieux gentilhomme, malgré toute sa colère, passa dans la salle à manger, car la longueur du chemin et le grand air lui avaient donné un appétit féroce. Lorsqu'il eut dévoré les maigres reliefs qui lui avaient été servis, il se tournait vers Brigitte qui le regardait souper. « Comment va ma sœur ? » lui demanda-t-il. « Mademoiselle ne souffre plus de son catarrhe. Son appétit est revenu et depuis votre départ, elle dort ses 12 heures sans se réveiller. » « Bien, très bien, » fit M. de Lavernay, en fronçant involontairement les sourcils. « Je suis enchanté de ce que vous m'apprenez. »« Oh, mademoiselle, toute délicate qu'elle paraît être, un corps de fer, » reprit la vieille servante, « elle nous enterrera tous. » Le baron ne répondit pas. « Voyez-vous, » continua Brigitte, « les gens maigres vivent toujours plus longtemps que les autres. Notre voisin, Pierre Palude, votre compagnon de chasse, était vigoureux, aussi vigoureux que vous. » Et on l'a porté en terre il y a 3 jours. Pierre Palude est mort, dit le vieux gentilhomme. Comme vous, il buvait sa bouteille à chaque repas. Il n'y a rien qui dispose plus à l'apoplexie. Vous devriez y songer un peu, ajouta Brigitte en jetant un regard en coulisses sur la bouteille vide du baron. Bah au diable avec tes prédictions de croque-mort, dit M. de Lavernay en se levant brusquement. Puis il prit un flambeau et monta à sa chambre. Là, tout en se déshabillant, il lâcha la bride à sa colère. « Quel enfer que ma vie » murmura-t-il. « Être rivé à une vieille fille avare et égoïste qui me supporte parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Non, ça ne durera pas longtemps comme ça. » Il souffla sa bougie et s'endormit. Brigitte, on a pu le remarquer, n'avait pas une bien vive tendresse pour le baron. Sœur de l'aide d'Athénaïs, et faisant en quelque sorte partie de la famille, elle ne pardonnait pas au vieux gentilhomme d'avoir dissipé sa part du patrimoine paternel. Mais en revanche, elle portait sa maîtresse, un de ses attachements sans bornes, si rare aujourd'hui chez les domestiques, il se serait fait hacher pour elle. Mademoiselle Athénaïs de Lavernay, quoique l'aînée du baron de 6 ans seulement, aurait pu à première vue passer pour sa mère. Recherchée diverses fois en mariage, non pour ses beaux yeux mais pour sa fortune, elle avait éconduit jadis impitoyablement tous ses galants afin de conserver son indépendance. Tandis que son frère, devenu veuf de bonheur, menait la joyeuse vie de gentilhomme campagnard, Mademoiselle Athénaïs vivait comme une recluse, se privait de tout, et maintenait par des prodiges d'économie l'équilibre entre les recettes et les dépenses, et certes, ce n'était pas une petite affaire que de boucler les trous que le baron creusait dans le budget commun. Tant que dura cette période, que nous appellerons la phase tempérée de la vie de M. de Lavernay, la bonne harmonie ne fut jamais gravement troublée entre eux. Mais, lorsque saisi par le démon de l'agio, son frère parla de vendre leur patrimoine pour le jeter dans des spéculations hasardeuses, Athénaïs leva aussitôt l'étendard de la révolte. « Je suis né dans ce vieux château, lui dit-elle, et je veux y mourir. Libre à vous, Horace, de vendre les terres et les fermes qui vous sont échues dans le partage. Moi, je garde mon bien. Et un jour, vous me bénirez de vous avoir conservé un morceau de pain pour votre vieillesse. » Le baron insista, mais ce fut en vain. Il aurait plus facilement attendri les rochers entre lesquels mugit le fier. Quand l'imprudent spéculateur eut été ruiné, Athénaïs, qui jusque-là s'était fait une loi de se prêter à tous ses caprices, s'érigea aussitôt en maîtresse absolue du logis. Son économie d'autrefois devint une avarie sordide, et le château fut brutalement fermé aux parasites que le baron y amenait avant sa déconfiture. Il eut sa place à table et un gîte au foyer, mais ce fut tout. La parcimonie de la vieille fille avait cependant son côté louable. Elle thésaurisait sou à sou afin de soulager les pauvres et les malades du pays et pour grossir l'héritage de son neveu Maurice sur lequel elle avait reporté toutes ses affections. Lorsque, à l'époque des vacances, le jeune magistrat venait passer quelques semaines sous le toit de la famille, alors le vieux manoir prenait un air de fête. On tirait du cellier les bouteilles couvertes d'une noble poussière. On égorgeait le basse-cour et de temps à autre, on achetait aux pêcheurs quelques-unes de ces belles truites qui habitent les eaux écumantes du Fier. Le baron de Lavernay, le lendemain de son retour au château, s'était, selon son habitude, levé de bonne heure et se promenait, en attendant le déjeuner, sur l'étroite terrasse qui dominait le torrent. Son front était soucieux et de sombres pensées l'agitaient. Si Truaz refusait de lui prêter les 8 000 francs nécessaires au paiement de l'assurance de sa sœur, l'échafaudage de ses espérances croulait. D'un autre côté, si la prédiction de Brigitte devait se réaliser, si de longues années étaient promises à Athénaïs, il se voyait également perdu. Pendant qu'il se livrait à ses réflexions un peu riantes, une voiture longeait la route taillée en corniche dans les flancs de la montagne. Le baron ne pouvait pas voir encore cette voiture, mais il entendait le bruit des grelots des chevaux qui montaient jusqu'à lui. Cette route, qui un jour sera encombrée de touristes, est aujourd'hui peu fréquentée. Le vieux gentilhomme, curieux de savoir quels étaient ces voyageurs si matinales, se pencha sur le rebord de la terrasse et attendit que la voiture parût. Sa curiosité ne tarda pas à être satisfaite. Cette voiture était un confortable landau. Dans ce landau se tenaient 3 personnages, un homme d'une 50aine d'années, une jeune femme et une négresse. En tête des chevaux courait un superbe Terre-Neuve. « Ce sont des étrangers, » murmura M. de Lavernay, lorsque la voiture eut disparu sous la corniche, « et de riches étrangers en jugés par leur équipage. »« Moi aussi, » ajouta-t-il avec un soupir, « j'étais riche et maintenant. » Mais Truaz n'a pas dit son dernier mot. Et s'il me prête ses 8 000 francs, je puis prendre ma revanche de l'épouvantable existence que je mène ici. » Il continua sa promenade, plongé de nouveau dans ses méditations. Un quart d'heure environ s'était écoulé lorsque le bruit des grelots qu'il avait précédemment entendu monter du bas de la montagne se fit encore entendre, mais au lieu de monter, il lui sembla que ce bruit descendait. Ces voyageurs, aurait-il pris la route qui conduit à notre topinière ? Se demanda-t-il avec étonnement. Brigitte parut en ce moment, tenant une carte de visite à la main. « Qu'est-ce ? » fit le baron en prenant la carte que lui présentait Brigitte. « Un monsieur d'un certain âge et une jeune dame désirent vous parler, » répondit la vieille servante. « Voilà parbleu qui est bizarre, » reprit monsieur de Lavernay, après avoir regardé le nom imprimé sur la carte. « Sir John Colfax, sujet américain. Que diable peut-il me vouloir ? Faites entrer au salon, » dit-il à Brigitte. « Mademoiselle vous prie de ne pas inviter ces personnes à déjeuner, » répondit sèchement la vieille servante en s'éloignant. Ce que le baron appelait son salon était une vaste pièce froide et enfumée, garnie de meubles du temps de Henri III, mais qui, depuis de longues années, attendait une restauration indispensable qui n'arrivait jamais. Lorsque le vieux gentilhomme entra, les étrangers l'attendaient. Il les salua avec cette courtoisie dont l'ancienne noblesse a conservé la tradition. « Madame, fit-il en s'inclinant, puis-je savoir ce qui me procure l'honneur de votre visite ?»« Mon père va vous l'expliquer, monsieur le baron. » répondit Flavia. « Vous m'excuserez, monsieur, si je n'ai pu me faire présenter, » reprit John Colfax, « mais ma carte a dû vous dire mon nom, Sir John Colfax. Je voyage avec ma fille. On nous avait parlé de la route de Seyssel à Rumilly comme des plus curieuses au point de vue pittoresque, et je vous avoue que depuis que je suis en Europe, je n'ai jamais rien vu qui lui soit comparable. » Monsieur de Lavernay fit un signe d'assentiment. « Ma fille, » continua John Colfax, qui, passionné pour les beautés de la nature, a été tellement émerveillé par l'aspect des gorges du Fier, c'est bien, je crois, le nom de la rivière, qu'elle va avoir une résidence d'été au bord de ce précipice. Le baron, étonné de ce début, regarda Flavia qui souriait. « Oui, monsieur le baron, dit-elle, je suis dans l'enthousiasme de vos horreurs. Je désire passer ici la belle saison, et comme tous mes désirs sont une loi pour mon père, « nous sommes montés sur votre montagne pour vous demander si vous voulez nous céder votre manoir. Il est un peu triste, fort délabré, mais avec de l'argent, on pourra en faire quelque chose de confortable. » Et en parlant ainsi, Flavia regardait les vieux meubles comme s'ils étaient déjà devenus sa propriété. Cette proposition faite à brûle-pourpoint stupéfia M. de Lavernay. « Mais ce château n'est point à vendre, mademoiselle, » répondit-il. « Tout est à vendre. » répliqua l'Américain, ce n'est qu'une question de prix. Combien estimez-vous votre château ? 80, 90 000 francs, tout au plus. Je vous le répète, il n'est point à vendre. Je vous en offre 100 000 francs. 100 000 francs ? Répéta le baron qui crut avoir mal entendu. Trouvez-vous que ce ne soit pas assez ? 150 000. 200 000. Repartit Flavia. Le vieux gentilhomme demeura un moment abasourdi. Si cette topinière m'appartenait, dit-il quand il fut remis de son étonnement. Le marché serait bien vite conclu, mais elle appartient à ma sœur. « En ce cas, veuillez lui transmettre ma proposition, » répondit l'ancienne institutrice. « Je vais le faire pour vous être agréable, mademoiselle, » dit le baron, « bien que je doute du succès de ma démarche. Ma sœur, qui est la vieille fille la plus entêtée que je sache au monde, tient à sa bicoque plus encore qu'à sa vie, et il tient pourtant furieusement à sa vie, j'en sais quelque chose. » « Nous attendrons votre réponse, » reprit Sir John Colfax en s'étendant sur un vieux sofa. Monsieur de Lavernay se dirigea vers la porte du salon et sortit. « Ah ça, et sérieusement que voulait acheter cette affreuse masure ?» demanda l'Américain lorsqu'il fut seul avec Flavia. « Je vous dirai cela plus tard, » répondit-elle. Mademoiselle Athénaïs de Lavernay, assise dans un fauteuil en velours d'Utrecht, jouait avec un vieux chat gris quand son frère entra. « Eh, mon cher Horace, qui vous amène de si grand matin dans ma chambre » dit-elle au baron. « Auriez-vous reçu la nouvelle d'une succession d'un oncle d'Amérique ?»« Vous brûlez, ma sœur, » répondit-il d'un ton sérieux. « Comment je brûle ?» fit vivement la vieille fille en se levant, car elle avait pris à la lettre les paroles de son frère. Celui-ci ne put s'empêcher de sourire de son effroi. « Oh, si je dis que vous brûlez, c'est par métaphore. Il s'agit non pas d'un héritage, mais de 200 000 francs qu'on vous offre de votre topinière. » « Ma topinière ? » s'écria la vieille fille, pâle de colère. « Votre château, si vous préférez, 200 000 francs. Que dites-vous de cela ?»« Jamais, » répondit sa sœur. « Voyons, réfléchissez, ma chère Athénaïs. Il n'est question que du château. Les fermes et les terres vous resteraient. Votre fortune se trouverait ainsi doublée, et nous irions nous installer à Chambéry ou Annecy. En offrit-on 1 000 000 que je refuserais. À mon âge d'ailleurs, on ne change pas ses habitudes. Pensez à l'avenir de Maurice. Ève devint nombreuse et riche, très riche. Raison de plus, pour qu'il ne ressemble pas à un petit Saint-Jean en se mariant. N'ai-je pas mes économies ? Répliqua Mademoiselle de Lavernay. Ah ! Fit le baron d'un ton étrange. Mademoiselle de Lavernay, à qui n'avait pas échappé l'exclamation du baron, se reprit aussitôt. Des économies pas bien grosses, dit-elle. Et d'ailleurs, Maurice apportera sa petite duchesse mieux que des sacs d'écus. Son nom qui peut marcher de pair avec les plus grands noms de France. En 1270, un Lavernay suivit Saint-Louis en Palestine et mourut sur un champ de bataille en sauvant la vie de son roi. En 1582, une Lavernay épousa un fils du duc de Savoie. En 1563, une Lavernay fut abbesse de Saint-Clair. En 1641, assez, ma sœur, assez, interrompit le vieux gentilhomme. Je sais par cœur l'histoire de la famille. On ne s'en douterait guère, reprit sèchement Athénaïs, en voyant le peu de souci que vous avez de son honneur. L'honneur des nôtres n'a rien à faire là-dedans. Vous vous trompez. L'honneur tient à la terre et au manoir. L'héritier des Lavernay doit avoir le vieux fief de ses ancêtres. Il n'y a plus de fief, repartit le baron, et les vieux manoirs eux-mêmes ont perdu leur nom. Parlez donc au premier paysan venu du château de Lavernay. Il vous répondra qu'il ne le connaît pas. Mais si vous lui demandez le château des Abîmes, si les noms de nos manoirs ont été effacés par la Révolution, interrompit Mademoiselle de Lavernay avec dignité, leurs murs sont debout, et tant qu'il leur restera une pierre, notre devoir, à nous autres nobles, est de demeurer auprès. Je ne vendrai pas mon château. Le baron n'insista pas davantage, et il quitta sa sœur pour aller annoncer aux deux étrangers le mauvais résultat de sa mission. Pendant qu'il regagnait le salon, une idée traversa son esprit. Si ces Américains consentaient à attendre un peu, et que pendant ce temps Athénaïs vint à mourir, pensait-il, je deviendrai son héritier puisque Maurice n'est pas marié, et alors ? Il ouvrit la porte du salon. Eh bien ? Fit vivement Flavien en se levant. Ma sœur est une vieille fille fort attachée à son domaine, répondit Monsieur de Lavernay. Votre proposition l'a prise à l'improviste, et elle demande à réfléchir. Un éclair de joie brillait dans les yeux de Flavia. Et combien met-elle de temps ? Dit-elle au vieux gentilhomme. Je ne sais pas trop, mademoiselle. L'ancienne institutrice réfléchit pendant quelques instants. Ce château me plaît tellement, reprit-elle ensuite, que j'attendrai volontiers 1 ou 2 mois. Mettons 2 mois, dit le baron. Soit, répondit Flavia. D'ici là, mon père et moi, nous irons nous installer dans les environs. Mais ces 2 mois passés, si mademoiselle votre sœur ne s'est point décidée, je reprends ma parole. C'est entendu, mademoiselle. Sir John Colfax et sa fille adoptive se retirèrent. Le baron, qui les avait reconduits jusqu'à la porte du château, les suivit longtemps des yeux pendant qu'ils s'éloignaient, et par moments s'échappait de ses lèvres ces mots « 200 000 francs, 200 000 francs ». Monsieur de Lavernay passa une partie de la journée dans sa chambre, plongé dans ses réflexions. Lorsque 3 heures sonnèrent, il fit seller à cheval. « Monsieur le baron rentrera-t-il pour souper ?» lui demanda Brigitte. « Non, répondit-il, je ne serai de retour qu'à 9 heures. » Pendant que le vieux gentilhomme, debout devant la porte de son manoir, regardait le landau s'éloigner, l'entretien suivant avait lieu entre Flavia et Sir John Colfax. « Eh bien, elle a refusé, » disait ce dernier. « Je m'y attendais, » répondit la jeune fille. « Mais s'il avait accepté, Salavert, d'après un renseignement pris à bonne source, avait affirmé le contraire. Enfin, expliquez-moi votre projet. Le voici. » Le baron se trouve aujourd'hui invinciblement poussé à vouloir à tout prix la mort de sa sœur. Premièrement, pour toucher la prime d'assurance, en second lieu, pour me vendre son château. Il ne sortira de tout ceci que par un crime. Un crime, entendez-vous bien. Je fais ainsi servir le père à me venger de son fils, car Ève de Valombreuse, malgré tout l'amour qu'elle porte à Maurice de Lavernay, ne consentira jamais à mettre sa main dans celle du fils d'un meurtrier. Mais rien ne prouve que le baron arrive jusqu'au crime. Il y arrivera par la force des choses. Puis après lui viendra le tour de cet imbécile d'Octave, que j'ai laissé dans les mains de Martineau, et dont je compléterai la ruine par un feu d'artifice de scandale. Après Octave, je passerai à Marcel, et ce sera sa mère, la duchesse de Valombreuse, en personne, ajouta Flavia, dont les yeux étincelèrent, qui, sur l'ordre que je lui donnerai, se fera le bourreau de sa fille en rompant son mariage avec le vicomte de Kerlusset. Ma chère enfant, dit Sir John Colfax en souriant, je commence à croire que notre loi de Lynch est pleine de douceur comparée aux vengeances raffinées de votre vieille Europe. Oui, ce que je fais est abominable, murmura Flavia toute pensive. Mais ce qu'a fait cette femme l'est-il moins? Ah, si je pouvais la frapper autrement, Dieu m'en est témoin, j'épargnerais ses enfants. Ève et Marcel, surtout, car je les aimais presque aussi tendrement que notre chère Miss Mary. Mais je n'ai pas le choix des moyens, et je dois étouffer dans mon cœur tout sentiment qui ferait obstacle à mon œuvre de vengeance. Puis prenant Colfax par les mains, ah, croyez-le bien, je n'étais pas né pour faire le mal, mais on m'a poussé dans une voie criminelle et jusqu'au bout. Dussé-je être brisé après.